بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في شرح هذه الأحاديث التي اختارها الإمام ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله وذلك في رسالته المذكرة في الحديث النبوي في العقيدة والاتباع. Et donc aujourd'hui, on commence le cours numéro 5, si je ne me trompe pas, dans l'explication, donc dans cette série. Cette série durant laquelle on va expliquer les hadiths que le cheikh, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, a choisi dans son épître, qu'il a intitulé donc Al-Mudhakkira fil hadith al-Nabawi, donc l'aide-mémoire, dans le hadith prophétique lié à la aqida, à la croyance. Et au manhaj, et au suivi. ومعنى الحديث الثالث وعنوان عنه المؤلف رحمه الله بقوله حق الله على العباد. Aujourd'hui, on voit le troisième hadith, on verra aussi le quatrième, inshallah ta'ala, mais déjà le troisième hadith, dont l'auteur a choisi comme titre pour celui-ci le droit d'Allah sur les serviteurs. Un hadith très très connu. Le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu qui dit « Kuntu radifan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala himar » Il dit « J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne » Avec le prophète, c'est-à-dire ici donc radif, c'est-à-dire que Mu'adh il était donc passager. Il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. « Faqala atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu connais quel est le droit d'Allah sur les serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Qala qultullahu wa rasuluhu a'lam. Et donc Mu'adh qui répond en disant, j'ai dit, Allah et son messager connaissent mieux. Allah et son messager sont plus savants. Faqala haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et qu'il ne lui accorde aucun associé. Wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhdhiba man la yushriku bi shay'a. Et le droit des serviteurs sur Allah est que celui-ci ne châtie pas ceux qui ne lui accordent pas d'associé. Qultu afala ubashshiru an-nas. Alors Mu'adh qui dit puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il dit sallallahu alayhi wa sallam « La tubashirhum fayattakiloun » Ne leur annonce pas sans quoi ils vont « Yattakiloun » ici c'est donc « Ne leur annonce pas sans quoi ils vont se baser sur leurs acquis. Ils vont se baser sur la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala sur cela et délaisser les œuvres. » فهذا الحديث كذلك متفق عليه. Donc ce hadith aussi il fait partie des hadiths qui sont dans As-Sahihayn, Sahih al-Bukhari et muslim. Wa kama ra'aytum hadha al-hadith kadhalika fi bayan wujub at-tawhid wa fadlihi. Et comme vous l'avez pu comprendre, comme vous l'avez entendu, ce hadith aussi il nous montre l'importance, il nous montre l'obligation du tawhid, l'obligation du monothéisme et aussi les mérites de celui-ci. Comme on a dit, l'auteur, il a commencé cette épître en citant plusieurs hadiths liés au tawhid et ceci c'est la méthodologie des ulama, comme on voit dans Sahih Muslim, dans Sahih al-Bukhari et d'autres. Il cite donc des hadiths, il commence avec le tawhid parce que c'est la base de notre religion. وَكَذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُسْنُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Il y a aussi donc dans ce hadith la bonne méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement. حيث يلقي السؤال على المتعلم dans le fait qu'il cite une question à l'élève, à celui qui vient apprendre. حتى ترسخ المعلومة في ذهنه et tout cela afin donc que l'information reste dans la mémoire de cette personne. Le fait qu'on te pose une question, ça va faire que tu seras beaucoup plus attentionné. On est là en cours, pendant le cours, il se peut que tu es là, tu écoutes, il y a des moments où tu vas être distrait, il y a des moments où tu vas être à fond, etc. Si je viens et je dis, Taïb, question. Je te pose la question. Pendant les cinq minutes d'après, tu seras concentré. C'est comme ça. Donc, l'être humain, lorsqu'on attire son attention, et donc il est là, il est plus attentif. Il est beaucoup plus attentif. Et c'est pour ça que c'est important que nous aussi, on utilise cette méthode lorsqu'on veut enseigner aux gens des choses importantes. Et la maturi dans toi, l'imannas, umuran muhimma, alayka, bi, hadha al-uslub, al-tayyib, al-nabawi. Donc, lorsque tu veux enseigner aux gens des choses importantes, utilise donc cette méthode, cette bonne méthode prophétique, afin que cela reste ferme et que les gens le mémorisent. وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a dans ce hadith le caractère humble du prophète صلى الله عليه وسلم. فإنه كان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار. يركب على الحمار. Le prophète صلى الله عليه وسلم il montait donc sur les ânes. ومن المعروف أن أهل الفضل و أهل القيادة كانوا يركبون على الحصان. Il est connu donc que les gens de mérite et les leaders, ils montaient sur des chevaux ou alors des chameaux. Mais l'âne, c'était pour ceux qui n'avaient pas ce rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était humble. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. Et c'est comme ça que le croyant doit être. Allah Azza wa Jal qui dit وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Et les serviteurs du tout miséricordieux, ce sont ceux qui marchent sur terre en étant humbles. En étant humbles. Et c'est comme ça qu'on doit être. À notre époque, il se peut que tu vois une personne avec une voiture qui donne pas trop envie. Une voiture démodée ou je sais pas. Et quand on dit, viens, on t'amène. Et que certaines personnes disent, ah non, moi je ne monte pas dans cette voiture. Je ne monte pas dans cette voiture. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es trop élevé, Annie. Tu as quelque chose de plus que les autres êtres humains. Et donc, il faut qu'on reste humble. Il faut qu'on reste humble. Barakallahu fikum. وفي هذا الحديث بيان أعظم حقوق الله تبارك وتعالى. Il y a dans ce hadith l'éclaircissement quant au plus important des droits d'Allah تبارك وتعالى. Car ici le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il nous dit حق الله على العباد, le droit d'Allah sur ses serviteurs, ça ne veut pas dire que c'est le seul droit d'Allah sur ses serviteurs. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça ne veut pas dire que c'est le seul droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur ses serviteurs. Mais c'est le plus important. C'est le plus important. Et donc, wa hadha al-haqq huwa at-tawhid. Et ce droit, c'est l'unicité. A'zamu shay'in fi hadha ad-din. La chose la plus importante dans cette religion. Wa fihi tafaddulullahi tabaraka wa ta'ala ala ibadihi bi ahsani al-jaza'i ala ada'i hadha al-haqq. Cette parole, c'est la parole de Cheikh Rabi' que je vous ai cité textuellement, qui dit, et il y a en cela, donc dans ce hadith, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde sa grâce à ses serviteurs en leur donnant la meilleure des récompenses pour le fait d'avoir accompli ce droit. La meilleure des récompenses pour le fait d'avoir accompli ce droit. La meilleure des récompenses, c'est-à-dire le paradis. Le paradis. Allah tabaraka wa ta'ala la yu'adhibuhum. Allah Azza wa Jalla ne les châtie pas, mais il leur accorde le paradis tabaraka wa ta'ala. Fa fi hadha dhikrun bi qa'idatin ma'rufatin dhakarnaha kathiran. Il y a en cela le rappel d'une règle très importante qu'on a souvent citée. Al-jaza'u min jinsil 'amal. La rétribution est du même genre que l'œuvre. La rétribution est du même genre que l'œuvre. Fais comme ou bi a'zamil hukuk. Fais lahum ahsanul jazaa. Ils ont accompli le droit le plus important. Ils ont donc la meilleure des récompenses. Ils ont accompli le droit le plus important, c'est-à-dire le tawhid, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans lui accorder quelconque associé. Et donc, ils ont la meilleure des récompenses. Fi hadha al-hadith ahamiyatul amal. Il y a dans ce hadith l'importance d'œuvrer. L'importance du fait d'œuvrer. Où est-ce qu'on trouve ça dans le hadith? L'importance quant au fait d'œuvrer, d'agir. Il y a ça aussi, et avant. Quand on parle de haqqullahi ala al-ibad, le droit d'Allah sur les serviteurs. An ya'buduhu. Le fait qu'il l'adore. Il n'a pas cité sallallahu alayhi wa sallam seulement. An la yushriku bihi shay'a. Seulement le fait de ne pas lui accorder d'associé. Hein? Mais il y a aussi le fait de l'adorer. Allah tabaraka wa ta'ala. Certaines personnes peuvent nous dire, ah non, moi je ne fais pas de shirk. Je ne fais pas de shirk. Mais lui, il n'adore pas, il ne fait pas d'acte d'adoration. Je ne fais pas de shirk. Et donc, non, il faut aussi que tu œuvres. Il faut aussi que tu adores Allah tabaraka wa ta'ala seul et que tu ne lui accordes pas d'associé. وكذلك في هذا الحديث أنه يستحب بشارة المؤمنين بما يسرهم. Il est recommandé, il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est recommandé donc d'annoncer la bonne nouvelle aux croyants concernant ce qui va leur faire plaisir. والناظر في نصوص الشرع يجد استحباب إدخال السرور في قلوب المؤمنين. Celui qui médite sur les textes de la législation, du Coran, de la Sunna, il y trouvera le fait qu'il est recommandé de faire rentrer la joie, le bonheur dans le cœur des croyants. Dès que tu as une bonne nouvelle à annoncer à ton frère, annonce-lui la bonne nouvelle. C'est recommandé ici. Donc Mouad qui voulait annoncer cette bonne nouvelle aux croyants. Il y a d'autres hadiths aussi, le hadith de Abu Huraira. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Idhab bina'latayya hatayn faman laqita yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbu fabashirhu bil jannah. » Va avec mes deux sandales et toute personne que tu rencontreras qui atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, et que cette personne ait la certitude dans son cœur concernant cela, alors annonce-lui le paradis. Abu Huraira est parti pour annoncer cela, la bonne nouvelle à tout le monde. Il est tombé face à qui? Il est tombé face à Omar. Il a annoncé ça à Omar. Omar l'a poussé. Il dit, Fedarabani hatta waqat wala isti. Il dit, il m'a frappé à tel point que je suis tombé donc sur mon derrière, sur mon postérieur. Et donc, comment il voulait ici, donc, le blâmer quand au fait, non, n'annonce pas ça aux gens. N'annonce pas ça aux gens. Viens, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Omar, il a donc dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas annoncer ça aux gens. Pourquoi? Parce que, le fait que Omar, il a eu peur que les gens se basent sur leur acquis, se basent sur la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et délaissent les œuvres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, donc on va, donc il a dit à Abu Huraira, donc ne leur informe pas. Et donc il y a aussi dans ce hadith le fait que al mafdoul yansahu al fadil. Il y a aussi dans ce hadith le fait que celui qui a moins de mérite, il conseille celui qui a le plus de mérite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui se fait conseiller par Omar, radiallahu anhu, il accepte le conseil. Aujourd'hui, à notre époque, Allahul Musta'an. Allahul Musta'an, yani, shakhs, quelqu'un qui est au même niveau que toi, il n'accepte pas que tu le conseilles. En dessous de toi, n'en parlons pas. Ou du moins, lui, il est au-dessus de toi, n'en parlons pas. Allahul Musta'an. C'est grave. C'est grave. Et donc, il faut que, comme on l'a cité précédemment, il faut qu'on fasse preuve aux chers frères, il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on reste humble. Et donc, comme je l'ai cité, il y a donc dans ce hadith le fait de faire attention à ne pas se baser sur la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et délaisser les œuvres. Walil asafi shadid, hadha alladhi waqa'a fihi kathirun min ikhwanina. Et malheureusement, beaucoup de nos frères sont tombés dans ce piège. Beaucoup de nos frères sont tombés dans ce piège. Et tout cela par ignorance. Par ignorance. Et c'est pour ça que le Cheikh Rabi', hafizahullah, il dit dans le commentaire de ce hadith, il dit « Al-khawfu min al-ittikal ya la sa'ati rahmatillah wa anna hadha al-ittikal ya dhurru kathiran min al-juhal » Il y a la crainte de se baser seulement sur la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et que ceci fait du mal à beaucoup d'ignorants. Beaucoup d'ignorants. On a beaucoup de nos frères. عرف المنهج السلفي لكن المنهج السلفي ثم تجده يتكل على هذه المعرفة على هذا الأمر هذه هي الفرقة الناجية فلا تجده في صلاة الفجر أو لا تجده يصوم صوم نافلة أو لا تجده يصلي النوافل وما إلى ذلك. Et donc tu vois, donc certains de nos frères, ils ont compris, ah ça, le manhaj salafi, alhamdulillah, ah c'est le groupe sauvé. Et donc après ça, tu ne vois pas accomplir la prière du Fajr à la mosquée. Ou alors, tu vois qu'il a du mal pour faire du jeûne surrogatoire, du mal à faire les prières surrogatoires. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce que, khalas, c'est bon, moi, je suis salafi, je suis dans le groupe sauvé. Pas besoin de faire plus. Pas besoin, c'est bon, khalas, je suis arrivé. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais non, frère, t'es pas arrivé. Mais où est le manège au salafi? C'est quoi le manège salafi? Un termel. Le fait que tu œuvres, que tu suives la voie des pieux prédécesseurs, est-ce que les salafs, ils ont délaissé les salawat al-nafila? Est-ce que c'est connu que les salafs, ouais, ils ont dit, khalas, nous on est le groupe sauvé, pas besoin, on n'en a pas besoin. Et donc ça, c'est une preuve que ces gens-là, ils sont dans une ignorance. Ils pensent qu'ils connaissent le manhaj salafi, mais ils ne le connaissent pas. Comme nous l'a montré cette fitna, la fitna de Moussa Afrika. Tous ceux qui pensaient connaître le manège salafi, la finale est arrivée à dévoiler l'ignorance de je ne sais pas combien de personnes concernant le manège salafi. Et donc il est important, chers frères, qu'on apprenne. On apprenne quelle est cette voie et qu'on agisse. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester dans l'ignorance. Il faut qu'on fasse l'effort d'apprendre. Regardez, aujourd'hui, on fait un cours après Sobh. Les frères, ils ont du mal à venir. Ils ont du mal. Pourquoi? On est accroché à notre confort, accroché à ce lit, la couette. Malgré le fait que ça, et maintenant les températures vont commencer à monter, ça sera plus facile de lâcher la couette, mais le fajr, ça sera de plus en plus tôt. Donc, c'est une épreuve, c'est pas facile, mais il faut faire l'effort. Fais l'effort. Et donc, c'est important, chers frères, de ne pas se baser sur nos acquis et de ne pas se baser sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est le tout miséricordieux, mais il faut aussi se rappeler qu'il est dur en châtiment. Il est dur en châtiment. Le hadith al-Rabi'a est donc le quatrième hadith que nous cite l'auteur. Et le Cheikh Rabi'a cite ici donc dans le titre qu'il dit Tahrim al-Tabarruki bil-Ashjari wa Nahwiha. L'interdiction de rechercher la bénédiction dans les arbres. Et autres. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم الحديث. Et donc ici le hadith de Abi Waqid al-Laythi رضي الله عنه qui dit nous sommes sortis, donc ici donc il part en bataille. Nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en direction de Hunayn, alors que nous étions nouveaux convertis. Nous nous sommes convertis il y a peu de temps. Nous avons adhéré à l'islam il y a peu de temps. Et certes, les polythéistes avaient un arbre, donc un sidra. Et donc, les polythéistes avaient cet arbre autour duquel ils restaient. Ils restaient autour de cet arbre. Et ils accrochaient leurs armes sur cet arbre. Cet arbre était appelé Zetu Anwat. Alors il dit, ô messager d'Allah, accorde-nous Zetu Anwat de la même façon que eux, ils ont Zetu Anwat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surpris de cette parole, il dit, Allahu Akbar, inna as-sunan. As-sunan ici, donc, al-manahij, allati ittakhadhaha ahlul batil qablakum. C'est-à-dire les voies que les gens du faux ont empruntées avant vous. Inna as-sunan. Vous avez dit, par celui dont mon âme est entre ses mains, vous avez dit, comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa, accorde-nous une divinité, de la même façon qu'ils ont une divinité. Il a répondu, donc Moussa, certes, vous êtes un peuple plein d'ignorance. Plein d'ignorance. Et Moussa, donc, pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Vous êtes un peuple plein d'ignorance. لأن الله تبارك وتعالى نجاهم. Allah il les a sauvés, Benou Israël. Ils avaient peur de Pharaon. Il y avait entre ils avaient devant eux la mer et derrière eux l'armée de Pharaon. Ils étaient apeurés. Allah تبارك وتعالى نجاهم, il les a sauvés. Après qu'Allah il les a sauvés, après qu'Allah تبارك وتعالى أراهم قدرته, après qu'Allah il leur a montré sa puissance et qu'il a noyé Pharaon et son armée, ils ont dit quoi? Accorde-nous une divinité comme eux, ils ont une divinité. Lorsqu'ils ont vu des polythéistes qui avaient, donc, des asnem, des statues qu'ils adoraient. Et donc ça, les savants, ils nous disent, ça montre leur profonde ignorance. Le fait qu'après tout ça, ils ont encore voulu accorder des associés, des égaux à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a blâmé cela. Et ensuite qui dit, les tarkabunna sunana man kana qablakum. Vous allez suivre les traces de ceux qui étaient avant vous. Vous allez suivre les traces de ceux qui étaient avant vous. Et donc comme on le voit clairement, fi hadha al-hadith an-nahyu an at-tabarruk bil ashjari wa ghayriha. Il y a ici dans ce hadith l'interdiction quant au fait de rechercher la bénédiction dans les arbres ou autres, dans la main de Fatma, comme beaucoup le font, ou alors même la Kaaba, comme on peut le voir lorsque certains vont accomplir le pèlerinage. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui nous dit « Man arada an yandhura ila halil umma, yandhuru ilayhim fi Mekka ». Celui qui veut connaître la situation de la communauté, il les regarde comment ils sont à la Mecque. Parce que les musulmans viennent de tous les pays et que tu vois les gens qui se battent pour passer leurs vêtements, frotter leurs vêtements sur la Kaaba. Hein? Des femmes qui vont même se dévoiler pour frotter le hijab sur la Kaaba. Allahul Musta'an. L'ignorance profonde que nous avons. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que la solution à nos problèmes, la solution au problème de la communauté, ce sont donc les manifestations et le fait de boycotter je ne sais plus quelle société. Hein? Ce sont des tricheurs. Ces gens-là, ils trompent les musulmans. Au lieu de dire aux musulmans, vous avez tel et tel défaut répandu parmi vous. Andakum shirkiyat, vous avez du polythéisme répandu dans les rangs des musulmans. Andakum bida, vous avez des innovations répandues dans les rangs des musulmans. Andakum ma'asi, vous avez des péchés répandus dans les rangs des musulmans. Au lieu de dire la vérité aux gens, ils leur disent, ah, vous voulez sauver, vous voulez aider vos frères en Palestine, la solution, manifestation et boycott. Au lieu de dire aux gens de délaisser les péchés. Kadhaboun, ce sont des menteurs, ces gens-là. Des tricheurs, nous devons donc faire attention à eux et mettre en garde la communauté contre toutes ces personnes, tous ceux qui trichent et qui ne montrent pas à la communauté le vrai danger qu'ils ont en face d'eux. وكذلك في هذا الحديث النهي عن التشبه بأهل الباطل. Il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est interdit de ressembler aux gens du faux. Il est interdit de les suivre, interdit de faire comme eux. وَخَاسَّةً أَهْلَ الْكِتَابِ, particulièrement les gens du livre. Particulièrement les gens du livre. Les frères, nous devons apprendre ce principe fondamental de notre religion. Cette barbe que nous avons, ce n'est pas seulement une barbe qui va embellir l'homme. ليست فقط زينة للرجال وإنما هي متعلقة بأصل عظيم. Cependant, cette barbe, elle est liée à un fondement très important dans notre religion. Khaliful Yahuda wa Nasara. Ne faites pas comme les juifs et les chrétiens. Aful liha wa kossu sharib. Laissez pousser vos barbes et taillez la moustache. Et donc, ce fondement essentiel, nous ne devons pas faire comme les polythéistes. Fil mashi wa fil kalami wa ghayri dhalik. Dans la façon de marcher, ou dans la façon de parler, ou autre. Certains, parfois, tu les vois, mashallah, sunnah, mais tu vois dans sa façon de marcher, tu dis, subhanallah, il y a un problème. Subhanallah, il y a un problème. À marcher comme des frères qui vont marcher comme des voyous, autres. Non. Yahi, la taslak hadha al-maslak, ne suis pas cette voie. Ne ressemble pas à ces gens-là. Et donc, il est important, chers frères, qu'on fasse attention à ce point important dans notre religion. قال الإمام ربيع حفظه الله الفعل الذي يذم به بنو إسرائيل تذم به هذه الأمة إذا فعلته الله أكبر. Ça c'est essentiel. L'action, l'acte que vont accomplir les enfants d'Israël pour lequel ils vont être blâmés, si cette communauté accomplit cet acte, eux aussi seront blâmés. أيها الإخوة كوننا نتعلم ما فعل الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل وغيرهم من الأمم السابقة هذا لنحذر من الوقوع فيما فعلوا. Le fait qu'on étudie ce qu'Allah تبارك وتعالى a fait au peuple précédent, au peuple de Béni Israël et les autres, le fait qu'on étudie tout ça, c'est pour qu'on se méfie. Et c'est pour qu'on évite de tomber dans ce dans quoi eux ils sont tombés. Tu n'étudies pas ça comme ça. Lorsque tu lis le Coran et que tu vois ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait au peuple précédent, c'est pour que toi, tu t'éloignes de ce qu'ils ont fait. C'est pas juste pour te dire, ah ça c'est eux, Allah il leur a fait à eux et pas nous. Non, il faut qu'on fasse attention à ne pas ressembler aux communautés précédentes, c'est-à-dire aux mauvaises choses qu'ils ont faites. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة حيث وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a dans ce hadith un des signes de la prophétie, car le prophète صلى الله عليه وسلم a annoncé que cette communauté les تركبون سنن من كان قبلكم. Yarhamukallah, vous allez suivre la voie de ceux qui étaient avant vous. Et ça s'est arrivé comme il l'a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falyawm tajidul muslimin yatashabbahun bi ahli al-kitab yatashabbahun bil kuffar fi libasihim wa fi ghayri dhalik fi a'yadihim. Tu vois aujourd'hui les musulmans donc qui vont ressembler aux incroyants dans leur façon de s'habiller, dans leurs fêtes. Comme on a eu hier, ceux qui nous ont fait la fête des mères, des musulmans aussi qui vont participer à cette fête, la fête des mères, et autres. Et donc, les frères, il faut qu'on fasse attention à cela, au fait qu'on ne doit pas ressembler donc aux gens du livre. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله تبارك وتعالى وهو من أكثر ما يبعده عن الله. Et donc, il y a dans ce hadith le fait que la personne peut penser, peut juger quelque chose de bien. Et peut juger que cette chose va la rapprocher d'Allah تبارك وتعالى. Mais que cette chose fait partie de ceux qui l'éloignent le plus d'Allah Azza wa Jal. Comme on l'a vu ici. Ici, des compagnons qui ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, accorde-nous dhatu anwat, kama lahum dhatu anwat. Accorde-nous dhatu anwat de la même façon que eux, ils ont dhatu anwat. Ils ont pensé que cela pouvait les rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, l'être humain, il peut penser cela. Et donc, toi, tu comprends quoi de ça? Tu comprends que tu dois t'accrocher au texte de la législation. Accroche-toi au texte. Ne regarde pas ce que les gens y font. Ah oui, mais les gens ils font comme ça. Non, mais il se peut que les gens ils pensent que c'est bien. Mais c'est faux. Et donc, accroche-toi au texte de la législation. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré tout ce qui nous est important. Comme il nous a dit, donc, Jabir, radiallahu anhu, même il a. Il n'y a pas un oiseau qui vole dans le ciel sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en ait cité une science. C'est-à-dire que le prophète nous a cité tout ce qui nous est important, tout ce qui nous est nécessaire, tout ce dont on a besoin. Le prophète, il nous l'a montré. Comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, parce que Jabir, après avoir dit cette parole, il nous cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kullu ma yukarribukum min al-jannah. Tout ce qui vous rapproche du paradis et vous éloigne de l'enfer vous a été montré. Et donc c'est à nous de suivre, nous devons suivre les textes. On ne regarde pas ce que les gens y pensent, les gens y pensent que ça c'est bien, les gens ils ont l'habitude de faire comme ça. Non, éloigne-toi de cela. Reste avec les textes. Ça c'est essentiel aussi, chers frères, afin qu'on ne tombe pas dans les pièges, dans les ruses du diable. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.